c'est un chemin possible. Des personnes qui vont faire une fresque du climat, puis associer ensuite à un atelier plus créatif ou plus qui va nous en capaciter, qui vont dire ensuite, ah, c'est bon, je change ma vie. J'y crois pas trop, en fait, à ça. Qui vont dans ce sens, mais je pense qu'il y a une majorité qui n'y vont pas. Je crois plutôt au fait qu'en fait, tous ces ateliers, tous ces formats qui pullulent, qui se multiplient et qui se complètent, de par la fréquence de tout ça, participent en fait à une sorte de transformation lente, individuelle et collective. Et c'est ma croyance, en tout cas, de me dire que les changements individuel d'une personne qui va participer un jour à 2030 glorieuse, un jour à une fraise de la biodiversité, un jour à futur proche ou autre, quels que soient en fait les formats, sont comme des petits cailloux qui vont remplir petit à petit le vase et qui vont à la fin faire que le vase va déborder, des gouttes, tout ça se monte, monte et ensuite le changement arrive. Mais c'est un processus plus que un grand soir d'évolution. Donc quand les gens repartent, pour moi qu'elles aient déjà compris qu'elles pouvaient imaginer d'autres choses, que ce soit projeté dans le futur qu'on leur a proposé, c'est déjà une chouette avancée. Si elles ont pu sans risque se dire « Ok, la décroissance, ça peut ressembler à ça », ça me réjouit, ça me fait pas peur, bah peut-être ça va contribuer à autre chose ensuite, à une autre action, une autre action, une autre action. Et il y a une phrase, en tout cas, ça a été à l'initiative de Futur Proche, en tout cas, c'est ça qui m'a donné l'idée. Arthur Keller parle des 4 R. La résistance, la reliance, les nouveaux récits et la résilience. Et il n'oppose pas ces 4 termes. Il dit qu'en fait, peut-être que bah, moi, je suis plus dans la thématique récit parce que ça m'a beaucoup plus parlé et du coup, j'œuvre et je mets mon énergie là-dedans. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus dans la résistance. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la révolte, à la révolution, au côté être contre quelque chose et être en résistance par rapport à un système. Donc, on va être à cœur de pouvoir construire d'autres possibles, mais les construire concrètement dans la terre, dans les mains, et dans la résilience, et d'autres être dans la reliance aux autres, aux vivants, d'une manière générale. Et voilà, on contribue à notre mesure à un des R, mais c'est un processus pour moi. Est-ce que finalement, pour ajouter une toute petite question à ce que vient de proposer Julien F comme piste de réflexion, le fait d'inventer, de se connecter à ses futurs proches, c'est pas un prétexte pour que les gens expérimentent la puissance du collectif, la puissance du faire ensemble, et que finalement, la vraie transformation, c'est ça? Allez, moi, je dis souvent, en fait, on est des excuses. Hein. On est des prétextes à utiliser le bon terme. On est des moments où c'est facile. Ok, je m'inscris à cet atelier-là. Je vais passer 2 heures, 3 heures à pratiquer quelque chose, il n'y a pas beaucoup de risques, ça me coûtait 5, 10, 15 balles, et puis nous, bah, on arrive en fait avec notre approche, notre méthode, nos convictions, et on tente de les faire expérimenter, ressentir à ses participants et ses participantes. Et donc, on est des prétextes à imaginer d'autres choses, on est des prétextes à collectivement, en tant qu'à futur proche, à collectivement imaginer un texte à plusieurs, chose que très peu de personnes font, hein. C'est pas, on fait rarement d'imaginer un texte à plusieurs. Et par ce processus-là, en plus en le faisant sur une thématique qui est plutôt soit qui met en avant des valeurs écologiques, démocratiques ou sociales, eh ben, on est embarqué dans ce futur, dans cette histoire. Alors, une histoire, on a envie de voir le personnage vivre l'aventure dans ce futur-là. Et après, il y a forcément un effet de projection, je pense. Parce que moi, en sortant de l'atelier, je me suis plus dit « Waouh, les gens sont géniaux et beaux » que « Ah, demain, ça a l'air cool ». Peut-être que pour moi, c'était déjà évident que demain pouvait avoir l'air cool, mais quand je ressors d'un moment comme ça, je me dis « En fait, les autres autour de moi peuvent faire en sorte que tout ce que je pourrais imaginer tout seul, ça prenne une dimension qui était largement hors de ma portée ». Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que dans les valeurs ou dans les conditions pour dire qu'un atelier futur proche est un atelier futur proche, c'est qu'il y a une dose de collaboratif dans l'écriture ou dans un moment dans l'atelier. On pourrait faire des ateliers d'écriture individuelle, mais ce ne serait pas des ateliers futur proche, en fait, tout simplement. Laetitia, vas-y, j'arrête de parler, pardon. Oui, bah, déjà, merci pour ce démarrage. Et donc, comme Julien, je suis guide 2030 Glorieuse et j'avais participé à un atelier d'écriture en ligne il y a 2 ans, je crois, le futur proche, et j'ai vraiment adoré le concept. Et ma question, elle est peut-être un petit peu pratique par rapport à la précédente, mais je me questionnais en fait sur la manière dont vous choisissez les thèmes des différents ateliers. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu comment, s'il y a une méthode? Mais j'ai compris que comme il y avait plusieurs formats maintenant et plusieurs manières d'aborder les choses, donc je serais curieuse de savoir quand même ce qui se cache derrière le choix des propositions de thèmes plutôt. Et puis peut-être, si derrière ça te va, peut-être de la suite qui sont imaginées pour les textes, peut-être s'il y a des textes qui sortent un petit peu du lot, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a des... Voilà, qu'est-ce que vous imaginez? Tout à l'heure, tu as parlé de podcast ou de lecture par des acteurs, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans les tuyaux ou qui permet de projeter encore un peu plus d'imaginer? Voilà, merci. Je t'en prie. Les thématiques viennent beaucoup des animateurs et des animatrices. Viennent vraiment de leurs préoccupations ou de leur centre d'intérêt, de leur questionnement. Je reprends la thématique de la décroissance. C'est deux personnes qui étaient à l'initiative de membres qui croient profondément à cela et qui se sont dit comment est-ce qu'on peut l'associer à une expérience un peu plus sensorielle, créative, et essayer de le faire expérimenter des personnes qui s'y connaissent peut-être moins. Moi, en ce moment, c'est moi, Nicolas, j'ai envie de travailler sur une thématique liée au féminisme. Pourquoi? Parce que j'ai écouté un podcast, parce que dans ma vie personnelle, ce sujet-là, en ce moment, est présent en moi. Est-ce que c'est le critère premier, c'est est-ce que c'est en lien avec les valeurs de futurs proches? Est-ce qu'on traite de sujets qui sont soit sociaux, démocratiques ou écologiques? Et si oui, on peut aller de l'avant. Et après, ce qu'on essaie de donc ça vient beaucoup des animateurs et des animatrices, et ensuite il y a aussi des ateliers de type un peu récurrent qui font qu'on est, enfin pas qu'on est plus connu pour cela, mais qui font qu'il attire plus de monde. Les thématiques liées au scénario de transition de l'ADEME, les ateliers liés aux thématiques au scénario de transition de l'ADEME, la décroissance, le lien au vivant et le lien dans l'effondrement. Ces 4 thématiques reviennent plus régulièrement que les autres parce qu'elles intéressent davantage les personnes. Et après, pour chaque atelier qu'on fait, on essaie de travailler avec un partenaire en se disant, je te donne un exemple sur le féminisme. On pourrait lancer Futurs Proches un atelier juste sur le féminisme, mais en fait, on va toucher peu de monde, ou en tout cas, on est une petite association. Si on s'associe avec des organisations qui portent ces sujets-là, on peut d'une part, en fait, donner plus de résonance à ces ateliers, donc à ces récits, et en plus, ces organisations peuvent réutiliser les textes par la suite. Et ça fait le lien avec ta deuxième question, c'est que les textes, il y a différentes choses qui sont faites aujourd'hui. Un, ils sont tous sur notre site internet, c'est le minimum. Deuxièmement, les partenaires qui s'associent à nos ateliers peuvent les réutiliser pour en faire ce qu'ils veulent. Donc, ils sont en licence libre, donc ils peuvent les réutiliser, les modifier, s'en inspirer. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et ensuite, les entre guillemets meilleurs ou les plus inspirants ou les plus, je ne sais pas quel mot on pourrait choisir, les plus transformateurs, les plus poétiques, et puis ça va tellement dépendre des goûts et des uns, des autres, des unes et des autres, qu'on n'a pas encore eu la capacité de s'organiser pour faire une sorte de comité de lecture et de choisir les textes qui nous paraissent les plus intéressants à mettre en avant ou à transformer dans un recueil. Donc il y a toutes ces idées, c'est clair. Il y a des envies de se dire on va faire des recueils annuels. Tous les ans, on fait un recueil des meilleurs textes. Enfin, meilleurs. Le terme n'est pas approprié, mais des textes les plus inspirants, mettons. On transforme certains en sonores, on fait des BD. Et donc, on a fait des tentatives pour de cela. Mais ensuite, pour pouvoir passer à une échelle un peu plus large et récurrente, il faudrait qu'on y mette vraiment de l'énergie. Donc là, c'est plutôt embryonnaire pour le moment. Merci, du coup, si je peux rebondir juste sur la fin. Et est-ce que, par exemple,

effectivement, il y a de la gratitude dans ces personnes-là de dire « vous m'avez permis de m'autoriser à penser autrement ». Je le tournerai plus au niveau des personnes que des organisations, en tout cas. Je redonne le bâton de parole. Carole, Cédric, Céline, Laetitia, est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions qui vous taraudent? Il y a Laetitia qui lève la main ou c'est... Ah non, c'est moi qui... Pardon. Ou alors je demande juste à Carole et Cédric qui connaissent un peu plus Futur Proche de l'intérieur. Est-ce que ce que je vous ai dit vous semble cohérent ou est-ce que j'ai dit des choses qui vous... Au contraire, vous dites, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas. Et est-ce que vous voulez faire un ajout, rebondir sur quelque chose qui a déjà été dit ou vous vous êtes dit, tiens, moi, je l'aurais dit différemment. Moi, j'ai rien à dire, c'est parfait. Merci Nicolas. Laetitia, tu as une nouvelle question, on t'écoute. Ouais, une question, une proposition, je lance une envie, quoi. Moi, j'aimerais bien réfléchir à un atelier où on mixerait justement des 2030 glorieuses, de l'écriture et aller proposer quelque chose, enfin organiser quelque chose comme ça sur Metz. J'ai vu passer des demandes justement de... J'avais répondu, pardon, je vais faire une phrase cohérente, ce sera plus simple. J'avais répondu au formulaire effectivement de réflexion pour travailler ensemble. J'ai pas eu trop le temps de cet été de me repencher sur la question. Moi, je serais vraiment hyper, hyper fan de réussir à organiser sur Metz un atelier, une journée, enfin, il faut trouver un format, et où on mixerait, on compléterait nos deux types d'ateliers sur une même manifestation. Je pense que ce serait hyper riche. Donc voilà, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une proposition de bouteille pour vous deux. Est-ce que Julien Fortel, si tu es toujours derrière ton écran, tu as quelque chose à ajouter vis-à-vis de ce sujet-là? Bah, je veux bien répondre à Laetitia. En tout cas, t'es pas là. Il y a Aura, avec qui j'ai pas réussi encore à discuter, mais qui est à Bordeaux, elle aussi, dans la communauté, et qui a le même souhait que toi. Et puis, on s'est posé aussi quelques questions similaires en Bretagne, donc, avec plaisir pour essayer de créer un temps de réflexion à ce sujet-là. Super. Et nous, à Metz, on n'aura pas à Metz, mais à Strasbourg, on a trois animatrices, si je ne me dis pas de bêtises. Qui en plus ont bien pratiqué. Donc, c'est-à-dire que je dis ça parce qu'elles peuvent forcément voir comment raccrocher quelque chose de nouveau à la méthode, voir où ça a du sens, voir où ça a moins de sens. Donc ça, c'est plutôt positif. Et donc, si tu souhaites une mise en relation, est très simple. Oui, mais je ressaisis parce que je les avais contactés, je crois, l'an dernier. Parce que sur Metz, on organisait quelque chose, un événement d'ampleur en octobre, mais le timing était trop court, en fait, et on n'a pas pu aller plus loin, mais je pense qu'effectivement, c'est avec grand plaisir, mais pour reprendre contact et voir ce qu'on peut faire aussi dans la région. Quoi. Et Aura, pas plus tard que c'était quand on s'est parlé, c'était jeudi, avec Aura, c'était un des sujets de notre échange avec elle. Donc, il y a les étoiles qui s'alignent. J'ai une dernière question pour toi, Nicolas, et si jamais vous voulez encore revenir à la charge, sentez-vous libre, sinon je suis content d'avoir cette version de nos échanges de la soirée refuge un peu resserrée, parce que je les trouve aussi un peu plus intenses comme ça. C'est quoi le futur proche de Futur Proche? Est-ce que tu as déjà fait le jeu d'imaginer à quoi ressemblerait cette idée que tu as eue pour le monde si tu t'autorisais à rêver et à te dire que là encore les boussoles s'alignent et que à horizon 2030 glorieuse, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui se soit passé par rapport à ça? Ça serait quoi? Il y a un an et demi, on a fait cet exercice-là entre membres de Futur Proche. Donc on s'est dit, c'est quoi si on essayait de faire un atelier sur le futur de Futur Proche avec notre approche, avec notre méthode. Et donc ça a donné lieu à 6 récits